أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن بدأنا كلام عن الصيام، هو أمر عظيم، وذكرنا على بعض المسائل. بدينا نذكر على الفقهيات في الصيام، منها تكلمنا على ما هي الأشياء اللي يمتعنا عنها وما هي الأشياء التي لا تبطل، وعملت ملاحظة يعني إن شاء الله نزيد فيها تفصيل على مش يكون واضح الأمر. على لو غسل أسنانه، يعني إنسان قلنا يحتاط بالسياسة مش ما يبلعش، كنت أنا تكلمت غسل الأسنان يعني ما قصدتش أنه يغسل بك الدونتيفريس وكذا، أنه صعب هذاك مش تنحيه وكذا. المهم هي معروفة من كبار، حتى يعني واحد جدته ولا جداه يذوقوا الطعام غير ما يبلعوه، لأنه جائز يتذوق هيك ما غير ما يبلع. المرأة كانت طيب تحط هيك تعرف مالح ولا بعد يعني تبزق هذاك الريق، يعني هذاك ما يبلع، هذا لا يبطل. ف يعني هو دونتيفريس اللي بشي يعمل دونتيفريس يعمل الفل في السحور، يعني يغسل مليح وكذا، أمور واضحة وكا قبل الفجر يغسل مليح، لكن نعنو نحن. أما نحن كي تكلمت أنا بكري في النهار، مثال عنده شيء حس هكا واحد ساعات يشد البغوصادون هكا الشيطة هذيك يعني مبلولة غير بالماء وينحي أو سواك بشي نحيك بشي مقالوش أكل ماكلة، هذا هو اللي قصدته أنا من بكري. ما قصدتش أنه في النهار برا عمل دونتي بخيس وكل، لا ذيك يعني تبقى واحد فهد تبش نحاها. فأنا تكلمت أنه شيء نحا يعني أكل أو نظف حس روحه ساعات يعني أو قيل. Donc on a parlé du jeûne et tout à l'heure on a cité un truc où on a dit si il se lave les dents ça annule pas. Je parlais pas vraiment du mettre de dentifrice par exemple. Je parlais vraiment il prend la brosse à dents sec comme ça ou avec de l'eau pour enlever des résidus de nourriture, ou il prend le bâton. C'est ça que je parlais. Bien que il est connu dans quelqu'un dans les pays musulmans que nos ancêtres, nos mères, nos grand-mères, elles goûtaient la nourriture sans l'avaler. Et ça c'est permis chez les savants. Juste il met sur sa langue pour savoir si c'est salé ou non. Il l'avale pas. Après il crache. Ça annule pas. De même, si quelqu'un l'a mis dentifrice, mais il n'a pas avalé, ça annule pas. Mais bon, on ne fait pas, on évite. Parce que c'est difficile à enlever. Si tu veux faire dentifrice le soir, avant l'aube, quand tu veux te réveiller pour manger et tout, tu fais avant l'aube, tu laves bien et c'est tout. Après, en fait, je visais tout à l'heure, c'est là, dans la journée, ça arrive qu'il y a des petits trucs qui sortent entre les dents. Pour ne pas les avaler, tu enlèves avec une brosse à dents que tu mouilles avec de l'eau ou sec. Ou avec un bâton, tu enlèves, en fait. Même le bâton, si c'est frit, on évite. Pour qu'il ne te reste pas des petits trucs, et à chaque fois, tu vas l'écraser. Donc moi, en réalité, j'évite. Mais si quelqu'un il fait, qui fait attention, ça annule pas. C'est ça qu'on visait, c'est que tu fais attention. Mais évite le maximum, sans raison, on évite. Mais si tu sens un truc, des fois il te sent un bout de nourriture, il était collé, puis il se décolle, tu veux l'enlever, tu peux faire un bâton, tu enlèves bah, pour que tu avales pas. Et on a dit en tout cas, on n'exagère pas. Si tu exagères, tu mets de l'eau et tu l'avales, ça annule. Donc si on fait l'eau d'eau, on fait doucement pour l'eau. Donc la personne... Donc elle fait attention parce que c'est la journée. Si tu gâches, tu as gâché une journée. C'est pas donc fais attention à cela. C'est ça que donc la personne fait attention. C'est vrai. Même des choses permises, tu vas les éviter. Non, par exemple, il y a des gens, ils vont nager. Puis, juste nager, ça annule pas en réalité. Mais bon, moi je me rappelle quand j'étais au bord de la plage, je marchais, mais je nageais pas. Les gens ils nagent, mais je nageais pas parce que T'as peur, c'est le jeûne, c'est quelque chose de grand. T'as peur, tu rentres dans l'eau, pourquoi prendre ce risque, je prends pas. Donc je nageais pas tous les jours à côté de la plage, mais je rentrais pas. Je rentrais un peu les pieds, mais pas. Mais si quelqu'un il reste la tête haute, il fait comme ça, ça annule pas. Mais moi, par peur, je rentrais pas du tout. Et si tu avales rien, ça annule pas. Mais bon, quelqu'un il prend la précaution. Fais attention. C'est pas comme tu jeûnes un jeûne sunna. Jeûne sunna, t'es plus. Tu fais moins attention parce que c'est sunna. Mais Ramadan, c'est obligatoire. Chaque jour. Donc tu fais bien attention. Sur l'oudou. Même l'oudou, je fais attention. Alors pour les jeûnes sunna, je fais moins attention. Parce que sunna, si t'as raté, bon, c'est sunna. Mais Ramadan, c'est grand. Donc, on fait attention. Il y a des choses permises, on les évite quand même. Pour que la personne, chaque jour qu'elle l'a fait, c'est ça, c'est un jour de gagner. Donc, voilà. Donc, bien sûr, les choses, par exemple, comme quand on a dit les fumées et tout ça, donc, ça annule pas. Donc, ça ne veut pas dire va devant le bachour et m'éternuer. Mais bon, s'il a senti, ça annule pas en tout cas. Ça annule pas. Par contre, fumer la cigarette, ça annule. Se faire vomir. Les traïa. Kazek et yabtob. Comme a dit le Rasoul. Yanné, n'estaqa a fal yakhdi. Kala hek al Rasoul. Ma'na, les traïa, amden, yakhdi. Amma man ghalabahu al qay'u. فلا قضى عليه غلبه يعني هيك مريض تقيا مبلع والو ما يبطلش تقيا وغسل فمه ما هكذا قال من غلبه القي انا خرجت مريض اما تقيا عمل هيك او ريشه دخل حاجه هذا بطل صومه دونك celui qui se fait vomir ça annule. Mais celui qui a été gagné par le vomissement, il est malade, par exemple, il a vomi, il n'a rien avalé, ça n'annule pas. Donc ça n'annule pas. Maintenant, comme on a dit, beaucoup de femmes me posent la question, c'est que quelqu'un met le parfum ou la pommade, ça n'annule pas. Mais on a vu, c'est déconseillé, le parfum après le vomi. Mais sinon, ça n'annule pas le parfum. Tout ça, ça reste à l'extérieur. Donc, le sang il est sorti, il s'est blessé, ça n'annule pas le jeûne. Donc, le fait qu'il s'est blessé, ça n'annule pas. Beaucoup de gens ils posent cette question aussi. Le fait qu'il s'est blessé, ça n'annule pas le jeûne. Jrah. Hada la yabtilu sawmuhu. Idan, ou. إذا إنسان أغمي عليه كنقول بالعامية داخ هذا لا يبطل قالوا إذا كان بقى جزء من النهار أما إذا داخ أغمي عليه كل النهار يبطل كالكان يسي إيفانوي توت لا جورني سأنيل ميسي يسي إيفانوي انتي دلا جورني سأنيل با يسي إيفانوي ان بارتي دلا جورني سأنيل با لو جن دونك سا سي امبورتون اوسي دو سافوار Bien sûr, c'est bien quelqu'un, il fait les choses de bien, les adorations pendant la journée du jeûne. Donc, c'est pas juste, il dort. Bien sûr, dans la religion, chaque chose, elle a une règle. On n'invente pas, on ne dit pas c'est valable, c'est pas valable, comme ça. Il faut voir la religion. Qu'est-ce que dit la religion sur chaque sujet ? Des fois, certaines... personne ne raconte des choses mais qui ne sont pas dans la religion en fait. La religion, c'est quoi? Quand on dit la religion, c'est قال الله قال الرسول. C'est-à-dire le Coran, le Hadith. Dit يعني قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. موش رأي منظن. والدين إذا ما تعرفش حاجة تقول ما هاش. سيد عبد الله بن عمر قال العلم ثلاث كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. بعض الناس يحشموا يقولوا لا أدري. الدين الصحابة الكبار كان يقول لا أدري مالك وكذا من العلماء إذا شيء ما يعرفوش الإنسان يقول لا أدري يسأل يتأكد حلال وحرام مش بالرأي ليس بالهواء قد تظن انت هذا تقول علاش سيدنا علي قال لو كان الدين بالراي لكان مسح الخف من اسفل ورايت الرسول يمسح اعلاه يعني قال لو كان الدين بالراي تقول نمسح من تحت انا نمشي عليه هو يكفي تمسح من فوق يعني الدين ماهوش بالراي هذا هو اذا ما عرفتش حاجه تقول لا ادري ما فيهاش عيب تسال لانك انت تريد اتباع الشرع مش اتباع الهوى والظن quelqu'un qui connaît pas une chose il demande parce que lui il veut suivre la religion c'est pas la vie personnelle والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الامين